as-tu à prendre la douceur? Parle lentement. Ce que tu dis est si profond que tu devrais nous laisser le temps d'écouter. Veux-tu apprendre la douceur? La paix, la sérénité pour la première fois. Toi, le sang à 10 ans, dirigeant, responsable, rationnel, raisonnable. Tu es en position d'infériorité. Tu brailles, tu gesticules, tu tires des mots à la mitraillette, comme si tu avais quelque chose à cacher. Parle lentement. Ce que tu dis est si important que tu devrais nous laisser le temps de le savourer. Veux-tu apprendre la douceur?